Je circule sur un pont. Tout arrêt et tout stationnement y sont interdits. En effet, l'arrêt ou le stationnement à cet endroit sont considérés comme gênants pour la circulation. Je risque une amende et la mise en fourrière de mon véhicule. Réponse B.